bonjour Léna. Vous êtes sur Radio Campus Lille 106,6 et vous écoutez Goodbye Kevin, il est 15h. Émission 171. Très belle entrée en matière. très belle présentation. En même temps, depuis 171 émissions, on a la même, on n'a pas changé. Donc... Ah ouais. Je pourrais ressortir ma petite phrase que je sors à chaque fois, ma petite phrase fétiche. C'était quoi ? Vous êtes au bon endroit au bon moment ? Ouais, voilà. Bien joué. Je vois que tu m'écoutes en début d'émission. Bah oui, je vois que tu vois que je suis attentive. Bah écoute, comment vas-tu ? Ça va et toi ? Ça va ? Ça fait longtemps ? Bah ouais. Bah je sais pas, écoute, on va pas faire de plus d'introduction que ça, on va commencer tout de suite avec le projet de Leon Michels qui est le cofondateur de Bicron Records, petit label qu'on aime beaucoup. Qui a son projet qui s'appelle Elle Michels Affaire et qui a sorti un dernier single le 13 juillet 2020. Un single sur lequel il fait appel de nouveau à la chanteuse indienne Pia Malik qui avait déjà collaboré avec lui en 2018. Ils avaient sorti un 2 titres, je crois, un peu Bollywood sur ce thème-là. Et donc là, le morceau que je te propose d'écouter, donc est sorti en juillet, comme je l'ai dit, sur ce label-là, et s'appelle Duan. Et il est pas mal, pas mal. T'as... Oui. Ouais, souvent ça fait Michel à faire un peu musique de film, quoi, comme ouais. François de Roubaix et tout ça. Alors là, on est moins sur la musique de film, on est plus sur un truc un petit peu plus psychédélique, un peu plus entêtant, même si t'as toujours un peu cet aspect cinématographique. C'était plus le projet de 2018, ce truc-là. Là, on est sur autre chose. Qui est pas mal et bon, je vais te laisser écouter, tu vas t'en rendre compte par toi-même. Donc Duan d'Elle Michels Affaire. Thank you. Donc c'était Duan du groupe El Michel Zafer avec Pia Malik qui chante dessus. Pas mal, ça change, hein? Oui, c'est un peu plus dynamique que ses autres projets. Bah ouais, c'est moins soul, c'est moins imposé, on va dire. C'est un peu plus... C'est un peu plus énervé. Rock psyché, énervé, ouais. Bollywood. Énervé. On va écouter un artiste, une des dernières sorties, pas la dernière, avant-dernière, de Habibi Funk, du oui. label. La dernière sortie, c'est un projet pour Beyrouth et le Liban, et la catastrophe. Donc ouais. C'est un projet... mais c'est pas ça qu'on écoute. Je m'égare, on va écouter Ahmed Ben Ali avec l'EP qu'il a sorti. Quel bon nom de famille. Et Ben Ali, il n'est pas tunisien comme on pourrait penser, il est libyen. Et l'EP s'appelle Subana et en fait bah, c'est un titre de reggae qu'il avait enregistré dans son home studio à Benghazi en 2008. Maintenant il est parti vivre au Canada ensuite et en Grande-Bretagne. Et en fait, ce qu'il raconte, c'est que les rythmes folklore libyens bah, se calent bien avec le reggae. Donc en fait, quelqu'un qui est libyen et qui fait de la musique peut très facilement faire du reggae parce qu'il y a des choses qui sont similaires. Il y a des accoutumances. et le reggae, Qu'est-ce que tu parles bien, Pierre-François ? C'est beau, hein ? Ouais. Et le reggae, il est assez populaire en Libye pour ces raisons-là. Et donc, bah, ça te fait un reggae à la sauce orientale. Et c'est marrant parce que quand j'ai écouté le morceau, je me dis, tiens, ça fait très années 80, très digital. Et en fait, non, c'est assez récent, 2008. Et ma foi, c'est un morceau parfait pour danser. Donc on l'écoute tout de suite, Ahmed Ben Ali, et le morceau, c'est Subana. Oh, يا ويا وا سبحالي هنتك وهونتيني ونسيتك بعد والعاد ونسيتيني يا سبحالي هنتك وهونتيني ونسيتك بعد والعاد ونسيتيني Banna d'Ahmed Ben Ali. Voilà, reggae. On a déjà écouté du reggae israélien, du reggae libyen maintenant. Ouais, c'est vrai, tiens. En plus, mais tu sais qu'au tout début, quand tu l'as présenté, je me suis demandé si t'avais pas buggé et si t'allais pas nous repasser un truc que t'avais passé il y a pas longtemps. Non. Que de la nouveauté, que des nouveautés sur Goodbye Kevin. Eh ben, en parlant de nouveautés, je vais te parler d'une jeune artiste britannique qui vient de sortir en août son tout premier album. Elle s'appelle Billie No Mates. Et en fait, elle explique que quand elle était petite, elle faisait de la musique et puis elle a un petit peu arrêté. Enfin, elle faisait de la musique, elle faisait pas un groupe, hein, mais elle jouait deux instruments. Je crois que c'était piano, violon peut-être. Et puis voilà. Et en fait, là, il y a quelques années, elle a assisté à un concert des Sleaford Mods. Et en fait, elle a réalisé que tu pouvais faire de la musique avec très peu de moyens. Et tu pouvais te produire sur scène avec très peu de moyens. Donc elle s'est dit, bah merde, en fait, moi, je pourrais jouer toute seule avec mon ordi sur scène. Ça marcherait très bien. Et aussi qu'elle pouvait s'en servir pour canaliser un petit peu, pas sa créativité, bon, c'est ce qui est logique, la musique. Enfin, bon, on dirait qu'elle est un peu débile quand je dis ça comme ça, mais non. En fait, surtout sa rage face à ce que toute la société fait de pire et tout, les choses qu'elle a envie de dire à chaque fois et sur lesquelles elle ne met pas de mots. Et elle s'est rendue compte, en fait, en voyant des artistes comme ça, qu'il y avait vraiment un espèce d'acte militant engagé. Une posture engagée qu'elle pouvait avoir et un impact qu'elle pouvait avoir. Du coup, ça l'a beaucoup inspirée et elle a décidé de sortir quelque chose un peu dans le même genre. Donc, tu sens énormément l'influence des Sleaford Mods. D'ailleurs, tu as Jason Williamson qui fait un featuring avec elle sur un des morceaux de son album. Et je sais plus, j'ai perdu le fil, ce que je disais. Et elle peut s'exprimer. Ah oui. Ouais. Mais par contre, il y a un petit côté un peu plus pop, un peu plus chanté dans ses refrains. Qui revient. Que comparé à Sleaford Mods ? Ouais, voilà, c'est un peu plus pop. C'est pas mal, moi j'ai écouté tout l'album. Si on a le temps en fin d'émission, je vous passerai une autre chanson. Alors par contre, j'ai pas noté le titre de l'album, mais je vais vous le dire après la chanson. Et la chanson qu'on écoute, c'est le morceau d'ouverture qui s'appelle No. No is the greatest resistance. No to your nothing existence. No is a walk, no small talk. No, I don't think it looks better. Yes, we are stronger together. But no is a power. Anytime, any place. No, I won't die on the floor. No, I'm not righteous anymore. No, I don't fit in your pocket. I won't shave everything off, I'm not 12. Yes, I'm gonna put in the hours. No to your ivory towers. No's gonna start a war. I said die if you think it's worth fighting for. Everybody twist for me. No, it's not always for the best. People run off just because they can. Yes, I am the same as him. No, I don't feel like celebrating. Yes, it's true what they say sometimes. No to protein shakes and mirrors. Yes to running at night fearless. No dying to get skinny, trust me. No to consuming the digital narratives. No to the pointless comparatives. These people mostly hate themselves. I've been one of them. You have my word. Everybody twist for me. Oh, come on, crack your knees for me. Bend your back, please, baby. C'était Billy No Mates avec le morceau No, dans lequel elle revendique le droit de tout le monde à dire non face à des situations qui les font chier, face à une mode, face aux modes, aux normes sociales, à des normes de consommation, de plein de trucs. En fait, voilà, juste non, quoi. Moi, je n'accepte pas ça. Et donc, c'est tiré de son premier album qui est éponyme. C'est pour ça que je n'avais pas noté le nom. Il s'appelle tout simplement Billy No Mates. Eh bien, ça tombe bien parce que le morceau que je passe après, il s'appelle This Is No America. This Is No. Non, mais c'est le nom ouais, comme bah maintenant. Ouais. C'est un projet, c'est l'album solo, le troisième de Magne Furlongmen. Je le dis avec cet accent parce que c'est un Norvégien, c'est le clavériste du trio AA. Je sais pas si tu as déjà vu ce groupe. C'est un groupe un peu années 80 qu'on n'a jamais trop écouté. Comme La Rivière, AA, en me croiser, non, un truc. Alors c'est A-H-A. Ah ouais, non. Donc pas comme La Rivière. Comme le groupe norvégien qu'on n'écoute pas ou qu'on voit le disque dans des bacs ouais, et vrai. Qu'on n'achète pas parce que c'est un peu ringard. Voilà. Et ben là, son troisième album, c'est aussi un album qui dénonce. Il s'appelle White Christmas Lies. Il est sorti en début d'année. Il dénonce notamment la société de consommation, Noël, les effets pervers de Noël, tout ça. Donc tout ce qu'il y a de consommation. Et à travers son morceau « This is No America », eh ben, il dénonce l'administration de Donald Trump, ah bah ouais. Tout simplement. Et est-ce que c'est un clin d'œil à This Is America de Childish Gambino, de son titre? J'ai pas vu. En tout cas, l'idée c'est qu'il dénonce une espèce d'Amérique qui n'existe plus, tu vois, qui disparaît à cause de toutes ces valeurs qu'on veut mettre en place. Donc également un morceau qui dénonce et qui détonne. Hein. Donc pour parler le côté musique, je trouve qu'il y a vraiment un côté Radiohead dans la partie la plus audible de Radiohead, ouais. Avec la voix surtout, et puis le côté doux et mélancolique. Et à vrai dire, c'est surtout ça qui m'intéressait dans le choix de ce morceau. Donc tout de suite, This Is No America de Magne Furlongmen. Wait. La messe. Bon voilà, Magne Furudrømmen. Montre-moi comment ça s'écrit. Mais c'est un Norvégien, Léna. Magne Furuholm. Furuholm. Bah, on ne dit pas le EN à la fin. Furuholmen. Bah, tu comme exactement comme je l'ai dit, tiens. C'est marrant, ça change pas beaucoup. Et c'était The Snow America. Et ben moi, si je te parle du groupe Küken, pourrais-tu me dire d'où ils sont originaires? Je sais pas, allemand. Autrichien. Bien vu. Même si leur bandcamp dit qu'ils viennent de Monaco et que ce sont donc des monégasques. Des monégasques, ouais. En fait, c'est un groupe de garage punk originaire de Hambourg, en Allemagne. Ils ont deux albums à leur actif. Le dernier était sorti en 2017, le premier en 2015. C'est des albums qui ne portent pas de titre, qui sont très courts, genre 30 minutes peut-être, un truc comme ça. Et nous, on va écouter le morceau d'ouverture du deuxième album qui était sorti en 2017 sur le label Drunken Sailor Records. Si je t'en dis pas plus, c'est parce que j'ai pas plus d'infos que ça, sur eux. Donc voilà. Donc le morceau que je te propose d'écouter s'appelle I'm Not a Fuck Up, du groupe Küken. Ils chantent en anglais. Küken avec I'm not a fucked up, you are so fucked up. Assez court mais efficace. Assez court et efficace. Tu comprends maintenant pourquoi les albums durent même pas 25 minutes. Ouais, ouais, ouais. C'est un peu frustrant ces albums où il y a des morceaux qui font 1 minute 30. Là, on est proche des 2 minutes, mais. Pourtant, il y en a plein. Hein. Je crois qu'il y a 12 ou 13 morceaux dans cet album. Ouais, ouais. Ouais, ça, c'est. Refrain, ça, c'est une technique de feignasse, hein. Il passe vite fait. Non, mais c'est un style. Hein. C'est une habitude. Hein. Hop là. Bah, c'est surtout que je me dis, garder la même énergie sur scène sur un groupe, enfin tu vois, pour un morceau de 4 minutes, ça doit quand même être un peu chaud. Bien vu, poses, bien vu, Léna. Eh ben, on va aller dans un style complètement différent avec du slowcore. Ok. Slowcore, bah, c'est un sous-genre du rock alternatif et du rock indépendant qui est connu pour des quoi qui se définit par des paroles plutôt poignantes, ouais. Plutôt tristounes, hein. Des mélodies graves, un tempo lent et des arrangements minimalistes. D'accord. Et c'était une réponse au début des années 90 au grunge qui était énervé, violent, tout ça. Slowcore, il a apparu de là. Mais après, c'est un sous-genre qui n'est pas trop bien défini. Oui. Tu vois, il n'y a pas... C'est fluide, c'est un spectre, quoi. C'est quoi, c'est fluide ? C'est fluide. C'est bah, fluide dans le sens où il n'y a pas de limite, de frontière bien établie. Et c'est un spectre dans le sens où, bah, voilà, et ben, c'est ça tout bouge à fait sur ça. Ce spectre-là. Et du coup, on va écouter le groupe Bedhead qui fait du slowcore. Bedhead bah, qui a été remis au goût du jour récemment par le label Numéro Group et même si l'album, l'extrait de l'album qu'on va écouter n'a pas été réédité par ce bon label puisque l'album s'appelle Bedhead, petit jeu de mots avec le nom du groupe, et nous on va écouter The Rest of the Day. Donc petite histoire sur Bedhead avant, c'est un groupe originaire de Dallas qui est formé en 91 sous l'impulsion de deux frères. Tous les deux frères. Tous deux guitaristes. Et bah voilà, ils font du slowcore intimiste avec des longs morceaux, des longues balades. Et c'est un groupe qu'on peut rapprocher avec de Codeine, ou Acetone, ou encore Duster. Des groupes dont les White albums. Spirit. Pardon. Groupes dont les albums sont réédités récemment. Ça t'a pas fait rire, ma blague. Non, parce que je suis concentré. Pas très drôle non plus, mais bon. Et donc les deux frangins, après ils se sont séparés en 98. Ils ont créé un autre groupe qui est assez connu aussi, The New Year. Donc voilà, vous allez voir, c'est lent, calme, et ça monte petit à petit. The Rest of the Day, pour l'écouter. Thank you. with no cars, just our cats being pulled by horses with blinds over their eyes. And I'm sure we could see ourselves rolling in the chaos when the cards move back and forth, hitting the holes in the street. The rest of the day. Qu'est-ce qu'il y a, Léna ? Non, c'est, j'attendais, j'avais peur de t'interrompre, mais c'est bon, au final. Qui était sorti à l'époque chez One Little Independent Records et Trendsyndicat Records. J'ai tout dit. C'est noté. Alors, moi, je vais te parler d'un groupe de post-rock alternatif originaire de Leeds qui s'appelle I Like Trains, tout en majuscule. Alors, c'est un groupe qui est pas tout récent, puisqu'il s'est formé en 2004. Et en fait, leur signature, c'est qu'ils ont vraiment une vision assez pessimiste du monde. Et ils s'inspirent énormément des grands échecs de l'histoire et beaucoup de la notion de déclin, déclin d'empire, déclin de civilisation dans leur univers. Et justement, dans leurs chansons, ce qui donne justement cet univers assez... un peu post-apocalyptique, un peu cinématographique, enfin tu vois, que tu peux retrouver dans les cinémas, au cinéma par exemple, tu vois, des musiques un peu d'ambiance comme ça, un peu badant, j'avoue, mais pas vraiment en fait, enfin j'aime bien, et c'est assez flagrant dans le morceau que j'ai décidé de passer aujourd'hui. Donc c'est un morceau qui est issu de leur dernier album. Pourquoi j'en parle ? Parce que là ils ont sorti au mois d'août leur dernier album qui s'appelle Compromat sur le label Atlantic Curve. C'est comme ça que j'ai découvert ce groupe, je connaissais pas du tout avant, et j'ai trouvé que c'était vraiment pas mal. J'ai beaucoup aimé la la voix du chanteur et cette façon de déclamer les choses. Voilà. Donc, je te propose d'écouter A Steady Hand du groupe I Like Trains. C'était le groupe I Like Trains qui me fait penser un peu au chanteur Slow Joe là, dans la manière de chanter. Slow Joe qu'on avait passé avec son projet Slow Joe and the Ginger Accident, on l'avait passé dans l'émission. Tout à fait. Une voix assez grave. Ouais, une voix très grave. Ouais. Je vais passer un groupe qu'on a déjà passé, que tu as déjà passé la semaine dernière. Aucune personnalité. Italia 90, parce que après ton passage, je me suis dit, je vais écouter. On va pas se coucher qu'on soit. Et là, tu t'es dit, ça déglingue. Je me suis dit, quelle tuerie, c'était très bien. Et en fait, c'est vrai que je les avais vus. J'avais repéré ce groupe-là, mais au moment où j'avais fait ma recherche pour préparer cette émission, j'avais pas eu le coup de cœur. Et j'avais noté qu'ils avaient fait la première partie de Frustration. Ah ouais, pas étonnant. Voilà, et c'est vrai qu'il y a des grosses similitudes avec la voix du chanteur. Donc tu les as déjà présentés la semaine prochaine. La semaine dernière, pardon. Oh là là. Et du coup, nous, on va écouter le morceau New Factory, que je trouve qui déglingue. On a envie de taper du pied, de chanter. Blablabla, blablabla, de chanter avec eux, comme le chanteur de Frustration. Voilà. Because you're born up. Italia 90, New Factory. C'est dans la chanson, Pierrot. Ah ouais, c'est des talents d'imitateur. Ah ouais, c'est ouf. C'est dingue. Bon, voilà, Italia 90, c'est pas compris, coup de cœur. Ça sera peut-être dans la liste de nos coups de cœur du trimestre. Du bilan trimestriel. Voilà, nouveau concept d'émission qu'on vient d'inventer. Alors, Pierrot, si je te dis « You do right ». Ouais. Bah, bien sûr, exactement, t'as raison. C'est le titre d'une chanson de Cannes, du groupe Cannes, sorti en 1969. Mais pas seulement. Ouais. Pas seulement. Tu le savais. Oui, c'est bien sûr. Aussi le nom d'un groupe montréalais qui, depuis 2016, surfe entre le crotrock, le shoegaze, le rock psyché, le post-rock, un peu stoner. Du coup, sans trop de surprise, à ton avis, sur quel genre de scène, de festival s'est-il déjà produit avec tout ça, tout ce que je t'ai dit? Sur des scènes, le festival psyché de Black... Black Angels. Oui. Austin. Oui. Voilà. De Lévitation. Voilà. Voilà, exactement. Et avec qui ils ont déjà partagé la scène, à ton avis? King Gizzard. Non. Mais ça aurait pu. Black Angels. Non, mais presque proche, un peu. Sors d'autres noms comme ça, un peu shoegaze et tout. C'est dur. Ride. Oh, je vois. Ah, mais je pensais que t'en aurais au moins un. Ariel Pink, Div, A Place to Bury Stranger, Acid Mother Temples. J'ai dit Div un moment, mais t'as pas entendu. C'est menteur. C'est menteur. Kikagayu, Kagu, Moyo. Ah oui, les Japonais. Ouais, très voilà, bon groupe. Fax que t'as passé, il me semble. Friggs, que moi j'ai passé. Ouais. Et Jessica Moss, que je ne connais pas. Ah bah si, si. Toi, tu connais. Ouais. Je suis sûre que je connais, mais en fait, le nom me dit rien du tout. C'est ça le problème, c'est que j'oublie tout le temps les noms. Bref, ils ont signé chez Motland Records et sont sur le point de sortir leur premier album d'ici la fin de l'année. En attendant, ce qu'on écoute, c'est leur single qui est sorti en mois de juin, qui s'appelle Speed Guru. Et là, par contre, les gars, c'est un morceau de 7 minutes 41 en mode psyché et tout. Allez, je sais pas, prenez une bière, fume un petit pétard, ce sera parfait. Tout de suite, You Do Right avec Speed Guru. Take it from me. C'était You Do Right avec Speed Guru. Ce que j'ai pas précisé, c'est que leur nom s'écrit U Y O O Do D O O. Et right, comme right. Righty, right now. Exactement. Bah oui, très psychédélique au programme. Tu nous avais pas menti, Léna. Pas du tout. Ce n'est pas dans mes habitudes, mon cher. Il est temps de nous quitter. Et se dire à la semaine prochaine pour notre prochain rendez-vous hebdomadaire. Tout à fait. Toujours sur Radio Campus Lille. Et toujours avant ce bon festin nu qu'on salue à chaque fois. À la semaine prochaine, Léna. À la semaine prochaine, Caro. Restez connectés à Radio Campus. Sur DAB+, en plus. En plus. DAB+.